sur ma liste. 500 trucs sur ma liste. 500 trucs sur ma liste. 500 trucs sur ma liste. 500 trucs sur ma liste. 500 trucs sur ma liste. J'aimerais bien commencer par tout délister. Et puis pour bien commencer, acheter du papier. Et un but pour ensuite écrire sur le papier. Et après on verra bien si j'ai des idées. 500 trucs sur ma liste. 500 trucs sur ma liste. 500 trucs sur ma liste. 500 trucs sur ma liste. 500. Allez, j'ai les charges pour les handicapés et donner le droit de vote aux personnes âgées, que les enfants soient libres et égaux en droit, et que la justice soit faite par les avocats. On pourrait aimer son prochain, et l'argent ne fera pas le bonheur. Sans 505.